Thank you. Thank you. Not synchro. Ça synchronise pas ça. Tiens, ça marche pas, ça. C'est ça qu'on est pas en 70. Smith.